tête, je fais des galipettes. Je vais travailler tout déguenillé. J'oublie de manger, je ne suis pas rasé. Je vais me coucher avec mes souliers. Je suis fou, complètement fou, fou d'amour pour vous. Et ce n'est pas tout, je suis fou, bon à enfermer. Si vous ne venez me donner un baiser, je suis la risée des gens du quartier. Je dois me cacher pour les éviter. Je fume sans arrêt, j'ai les yeux tirés. Je suis insensé dans tout ce que je fais. Je suis fou, complètement fou, fou d'amour pour vous. Et ce n'est pas tout, je suis fou. Quand je vous aperçois, je suis de guingois. J'essaie de ne pas montrer mon émoi, mais ça ne marche pas, je redeviens gaga. C'est plus fort que moi, je fais n'importe quoi. Je suis fou,